Email, c'est un service email qui fait pour faciliter communication. Coordonnées, interface, c'est façon par Gmail là organisée pour aider à joindre tout ça aux besoins faciles. Partie principale, yo, dans l'interface Gmail. Boîte réception, inbox. C'est là tout nouveau message ou recevoir apparaître. C'est parti ou à utiliser plus souvent. Boîte message voyé, send, ou joindre tout message ou déjà voyé by l'autre monde. Boîte brouillon, drive. Ça, c'est côté message où tu as commencé, écrit, mais ou pas qu'on voyait. Spam, Gmail met tes messages li pensé qui dangereux ou soit faux dans section ça. Pas négliger vérifier li parfois. Mais fais attention. Trash, poubelle. C'est côté tout message ou effacé yo aller. Yo rete là pour yon temps avant yo effacer net.